fois pas le temps. J'ai pas besoin qu'on m'aide. Et tu vois bien pourtant qu'il faut bien qu'on s'entraide. C'est toujours la nuit qu'ils viennent les yeux brûlants. Pas le